instinct meurtrier. Morsa et Cortex, allez tous vous faire enculer, bande de PD. Ok, le son de gangster, la pépite qu'on encule sa mère. Les teams viennent du terre-terre, voilà d'où elles sont originaires. Instinct meurtrier, Morsa et Cortex, deux guerriers, ce sont partout, ils seraient publiés. Je te kiffe pas, on va t'humilier. Je vais ramener chez le bijoutier, je nique les cuts, je trompe mes meufs, les juges les pleuvent. Chier sur tout le monde, sauf sur mes potes, mes rêves. Je suis pas ton chéri, je suis ton père quand je m'en baby. On passe qu'une nuit sexy, cherche pas plus, on passe que pif. Je veux que de l'argent, je m'enrichis en cherchant bien sûr le bon plan. Baisse la nouche, ça pique grave tout, même la. Pour vivre sûrement, on sent pas les couilles de leur règlement. Nous cache pas où tu vas te faire casser tes dents. Où tu vas te faire casser tes dents. Morsa et Cortex, Mipa, Engel à la mer, on fout la haine. Tu ne fais One of Thanks, même les 33, ni tous les commissariats. Morsa et Cortex, Mipa, Engel à la mer, on fout la haine. Tu ne fais One of Thanks, même les 33, Gorille Black, tout l'un de l'allergue. C'est Morsa et Cortex. On nique les skins, les hnouches dans nos textes. On bicrape du bon shit dans nos tests. On pèse les putes dans nos caisses. On s'arrête jamais. C'est pour tous les mecs qui sont déter. Braque la banque avec une fourchette. Part avec un million dans la recette. Nique les putes, les commissaires et les rancettes. Plus de 36 000 voitures brûlées dans nos tests. En une semaine, rôter la hesse. Ma bichette écoute, Morsa et Cortex pèsent tous les nouches. Même Al Pacino se couche. On shoot tous ces bouffons qui partent derrière nous. On traîne qu'avec des mecs louches. Si tu nous casses les couilles, un décanote droit on te couche. Morsa et Cortex, Mipa, Engel à la mer, on fout la haine. Tu ne fais One of Thanks, même les 33, ni tous les commissariats. Morsa et Cortex, Mipa, Engel à la mer, on fout la haine. Ils aiment la bête comme nous, des vrais voyous, des mecs qui ont des sous. On a les crocs, on est partout, viens pas test de crew. 30 la galère, gorille plat trop corps. Nous reproche pas d'être trop rude, on m'étonne pas tout ce qu'on a vécu. Pour nous rivaliser, fais encore ta pub. Vos disques d'or, puis les foutre au cul. Nous ni radio ni major, on est bien trop hardcore. Du rap de barbare, un arabe et un noir. Bande de bâtards, nous représente tous les tchécars. On pétarde des tableaux d'art. Comme d'hab, on baisse les meufs et on se barre. T'inquiète, soir, on t'invite dans notre checker. Un barbac ce soir. Les michetonneuses vont passer leur plus beau cauchemar. J'suis tricard, pas de fête de costard. J'traîne qu'avec des loupards, j'suis un couche-tard. J'ai une meuf à l'hôtel, l'eau dans la caisse. T'inquiète, cousin, ce soir, ça va être leur fête. Morsa et Cortex, Mipa, Engel à la mer, on fout la haine. Tu ne fais One of Thanks, même les 33, ni tous les commissariats. Morsa et Cortex, Mipa, Engel à la mer, on fout la haine. Tu ne fais One of Thanks, même les 33, Gorille Black, tout l'un de l'allergue.